Si je ne vous satisfais pas, peut-être n'êtes-vous déjà plus là. N'ayez crainte, non auditeur, je ne vous en tiens pas rigueur. Mais sachez que ce n'est pas fini, il me reste un beau brin de vie. De devenir en devenir, pour le meilleur et pour le pire, je ne me lasserai pas d'essayer, quitte à crever insatisfait. Pardonnez un jeune crétin qui ose croire qu'on devient chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant. Je vous ai plu. Si l'aventure vous est émue, ne soyez pas trop bon public. La guignora juste eu le chic de m'épargner pour cette fois, de me laisser entre les bras de son jeu amer et trompeur, roi des faiseurs et des faiseurs, qui fit pleurer tant d'ingénus, qui par orgueil y avait cru. Pardonnez un jeune crétin qui ose croire qu'on devient chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant. Chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant, chansonnier en chantant. Yvan, que vas-tu faire de toutes tes favoris? Yvan, que vas-tu faire de toutes tes favoris? Tu n'as même pas à demander, elles sont toutes à tes pieds. Yvan, que vas-tu faire de toutes tes favoris? Yvan, que vas-tu faire de toutes ces favoris? Yvan, mon ami, dis-moi, que vas-tu faire? feras-tu quand elles ne t'offriront plus leur cul? Allez, Ivan, Ivan, Ivan, Ivan, que vas-tu faire de toutes ces femmes? Ivan, Ivan, Ivan, Ivan, que vas-tu faire de toutes ces femmes? Oh, moi, même moi, je ne peux pas m'en empêcher. Oh, je ne peux pas te résister, Ali, Ivan, ah, oh, Ivan, lui, ah, Ivan, ah, ah, Ivan, ah, ah oui, Ivan, ah oui, Ivan, ah, Ivan, ah, Ivan, Ivan, ah, Ivan, Ivan, Ivan, Ivan, Ivan, Ivan, Ivan, que vas-tu faire de toutes ces femmes?